Les jours suivants se passent dans l'angoisse du danger imminent. Les Français attaquent de plus belle et le général Monroe ne possède aucun moyen de résister plus longtemps au siège du Fort William Henry. Les renforts ne sont toujours pas arrivés et plus de la moitié des canons est hors d'usage. Après 5 jours de violents combats, le père des jeunes femmes annonce à Heyward « Montcalm veut me parler. Mais, redoutant les conséquences de mon empressement, j'aimerais que vous y alliez à ma place. » L'officier acquiesce, et 10 minutes plus tard, il franchit la porte du fort français. Accueilli par un officier, Heyward est conduit à la tente du général Montcalm. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il aperçoit le terrible Magua veillant sur sa sécurité. Après quelques paroles de courtoisie, le général annonce à Heyward. « Je suppose, monsieur, que vous êtes autorisé à traiter avec moi de la reddition de votre forteresse ?»« Pensez-vous que notre résistance soit si faible pour envisager une telle mesure ?» Souriant de cette réponse, le général français propose alors « Voulez-vous voir mon camp et juger par vous-même de ses effectifs et de l'impossibilité de leur résister avec succès ?»« Enfin, peut-être cette lettre interceptée par un de mes soldats vous convaincra-t-elle de vous rendre ?»« Elle vient du général Webb, qui devait vous envoyer du renfort. »« Il précise qu'il lui est impossible de vous envoyer le moindre soldat. » Revenu au camp, Heyward relate son entretien au général Monroe. Après un long moment d'abattement, le général rend visite à Montcalm et règle les termes de la capitulation. Le fort doit être rendu à l'ennemi dès le matin, mais courtois, le général Montcalm accepte que les Anglais gardent leurs armes et leurs drapeaux, et par conséquent, leur honneur. Seulement, Magua, lui, ne veut pas comprendre que le général Montcalm ne considère plus les Anglais comme ses ennemis. Il file alors discrètement dans les bois avertir ses amis Hurons. Le lendemain matin, comme le veut l'usage militaire, le général Monroe et Heyward marchent donc en tête des troupes anglaises pour se rendre au fort français. Afin d'assurer la sécurité des deux jeunes femmes, l'officier charge David de rester près d'elles. Les 3000 soldats anglais s'avancent alors lentement à travers la plaine, puis gagnent le chemin menant à l'Hudson. Soudain, on entend le cri de guerre de Magua, et aussitôt, plus de 2000 sauvages déchaînés surgissent des fourrés et tuent tous ceux qui osent les défier. Souriant devant un tel carnage, Magua s'avance alors vers Cora. Viens dans ma tribu! Jamais! Frappe si tu veux et achève ta vengeance! L'Indien hésite un moment, puis, voyant Alice s'évanouir de peur, il la saisit et l'emmène rapidement dans les bois. Terrifié à l'idée de perdre sa sœur, Cora le suit, accompagné de David. Trois jours après la capture du fort, un silence de mort règne sur les rives du lac Horican. Seuls 5 hommes avancent avec prudence vers les fortifications en ruine. Vous l'avez deviné, c'est Chingabouk et son fils, suivis d'Œil de Faucon, de Heyward et du général Monroe, tous à la recherche des deux sœurs. Uncas marche en tête. Il examine le moindre fourré, écarte les branches de chaque arbre. Quand tout à coup, il pousse un cri de joie. Un morceau du voile que portait Cora est accroché à un buisson. Avec un regard éperdu, le général Monroe supplie le Mohican. « Mon enfant! Rendez-moi mon enfant !» Uncas s'essaiera de toutes ses forces. Enfin sur la bonne piste, la petite troupe reprend espoir. À son tour, Chingagouk aperçoit une empreinte de mocassin. Aussitôt, Uncas examine la trace avec une attention minutieuse et s'écrie. C'est celui de Magua! À l'évocation de ce nom, Œil de Faucon entre dans une vive colère. Encore ce maudit démon! On n'en finira donc jamais avec lui tant que mon fusil ne lui aura pas dit 2 mots! Au fil de leurs recherches, les voyageurs réussissent à retrouver d'autres objets appartenant aux prisonniers. Mais après avoir parcouru plusieurs lieux, Œil de Faucon ralentit le pas, puis s'arrête. Je sens les Hurons. Nous sommes tout près de leur campement. Chingagouk, Prenez par le flanc de la colline. Uncas suivra le ruisseau et moi je continue sur la piste avec Heyward et le général Monroe. S'il arrive quelque chose, imitez le croassement du corbeau. Mais le jeune officier est si impatient de voir ses ennemis qu'il se glisse jusqu'à la lisière de la forêt pour regarder le village Huron. Tout à coup, il entend un bruissement de feuilles et voilà que surgit un Indien, le crâne rasé, le visage couvert de peinture. Arrivé juste à temps près de l'officier, Œil de Faucon saisit le sauvage à la gorge, puis se met curieusement à éclater de rire. David, en personne, s'était déguisé en Huron pour mieux circuler dans le camp des sauvages. Imitant parfaitement le cri du corbeau, Œil de Faucon appelle alors Chingachgook et Uncas, puis ils écoutent tous le récit du maître de chant. Les deux jeunes femmes se portent très bien. Le voyage a été certes pénible, mais nous n'avons pas été maltraités. Seulement, général Monroe, je doute que la délivrance de vos filles soit proche. Cora a été emmenée dans une tribu de Lawar, là-bas, vers ses huttes, et Alice est détenue parmi les femmes des Hurons, à 2000 d'ici. Elles l'ont enfermée dans une caverne. Ne supportant pas la capture de la jeune Alice, Heyward s'écrie en colère. « Je vais délivrer celle que j'aime. Chingachgook, vous qui connaissez l'art du déguisement, couvre-moi de peinture. Je vais faire croire à ces sauvages que je suis un guérisseur et j'en profiterai pour enlever Alice. » Devant la détermination du jeune officier, aucun voyageur n'ose répliquer. À peine arrivé dans la tribu des Hurons, David présente Heyward au grand chef. Calmement, le jeune officier explique en français qu'il est envoyé par le général Montcalm pour soigner leurs malades. Tirant silencieusement sur sa pipe, l'Indien examine le militaire, puis lui demande de le suivre au pied d'une montagne. La femme d'un de ses guerriers est, paraît-il, possédée par un mauvais esprit. Alors que les trois hommes s'apprêtent à traverser une clairière, une forme sombre et mystérieuse surgit à l'improviste sur le chemin en se dandinant gauchement. C'est un ours. Et devant l'air apeuré d'Heyward, l'Indien le rassure en lui expliquant que souvent sa tribu adopte des ours et qu'il n'attaque jamais. Parvenu à la grotte où se trouve la malade, le vieil homme précise qu'il restera dehors pendant que le jeune officier examinera la souffrante. David, qui a lui aussi le droit d'entrer pour l'apaiser de ses chants, fait discrètement comprendre à Heyward qu'Alice est prisonnière dans une caverne voisine. Quant à l'ours, il entre également en poussant de curieux grognements. À peine les deux compagnons ont-ils pénétré dans la caverne, que l'animal se met étrangement à se trémousser, à se gratter le museau, puis soudain la tête d'ours tombe à terre et à sa place apparaît le visage jovial d'Œil de Faucon. Avant que ses amis aient le temps de réagir, le chasseur leur chuchote. Chut, pas un bruit, sans quoi nous aurons tous les Hurons à nos trousses. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Quand nous nous sommes séparés, j'ai mis le général Monroe et Chingachgook à l'abri. Puis Uncas et moi, alors que nous nous dirigeons vers la tribu de Lawar pour retrouver Cora, nous nous sommes fait attaquer par une bande de Hurons. L'un d'eux a réussi à fuir, alors Uncas l'a poursuivi. Hélas, le sauvage a dû sans doute l'attirer dans une embuscade. À propos, Heyward, avez-vous vu le jeune Mohican ? Oui, malheureusement. Il est chez les Hurons, prisonnier. Magua l'a tout de suite reconnu et a donné l'ordre de l'exécuter au lever du soleil. Ah, oh, j'en avais le pressentiment. C'est pourquoi je me suis approché de la tribu. Par un heureux hasard, je suis tombé sur un de leurs sorciers qui était en train de s'accoutrer avec cette peau d'ours. J'ai donc assommé l'homme et j'ai pris son déguisement. Remis de ses émotions, David guide ses deux compagnons à la caverne voisine, là où est enfermée la jeune Alice. Après s'être rapidement débarbouillé de ses peintures, Heyward entre seul et serre enfin celle qu'il aime contre lui. Soudain, il sent une main sur son épaule. C'est celle de Magua. Avec un large sourire, le sauvage explique à ses prisonniers comment il compte les faire mourir quand un grognement menaçant envahit la caverne. Œil de Faucon, toujours déguisé en ours, se dresse sur ses pattes et serre le Huron à la gorge jusqu'à l'étouffer. En un éclair, Heyward saisit une courroie de peau de daim et le ligote de toutes ses forces avant de le bâillonner. Puis le chasseur et l'officier enroulent Alice dans un tapis. Ainsi, Heyward n'a plus qu'à faire croire au vieil Indien resté dehors qu'il emmène la malade dans les bois pour la fortifier et chasser définitivement l'esprit malin. Mais quelques mètres plus loin, Œil de Faucon s'arrête et dit à l'officier et à Alice. Ce sentier vous conduira au ruisseau. Suivez sa rive et montez la colline sur votre droite. Là, vous verrez les feux de l'autre tribu. Vous demanderez alors leur protection. Si ce sont de vrais Delawares, vous serez en sûreté. Quant à moi, je retourne chez les Hurons voir ce que je peux faire pour Uncas. Si le Mohican meurt sans qu'un ami lui ait tendu la main, c'est qu'il n'y a plus de bonne foi sur la terre. Heureusement, quand Œil de Faucon arrive chez les Hurons, ils sont tous profondément endormis. En silence, David conduit le chasseur à la hutte où se trouve Uncas. Seuls quelques guerriers montent la garde, mais ils apprécient tant la gentillesse et les cantiques du maître de chant qu'ils le laissent entrer dans la hutte avec l'ours. Aussitôt, David passe ses vêtements à Œil de Faucon et Uncas enfile le déguisement de l'ours pour s'enfuir. Ainsi, quand les sauvages s'apercevront de la supercherie, le chasseur et le Mohican seront déjà loin. Quant au maître de chant, il expliquera aux Hurons qu'il n'avait pas cru faire mal. Le plan de David s'est passé comme prévu, car lorsque les Hurons s'aperçoivent de la fugue d'Uncas et découvrent Magua ligoté, Œil de Faucon et le jeune Mohican approchent déjà la tribu des Delawares. Ivre de rage, Magua rassemble aussitôt ses guerriers et armés de fusils, ils partent à leur tour chez les Delawares. Dès son arrivée à la tribu, Magua demande à parler à Tamenund, le vieux sage des Delawares. Il veut récupérer Cora et surtout l'informer, en mentant, qu'Œil de Faucon et tous ses amis qu'il vient d'accueillir dans sa tribu ont tué de nombreux Delawares. Entendant ces terribles mots, le vieux sage ordonne immédiatement d'exécuter la petite troupe. À l'annonce du terrible supplice qui les attend, les voyageurs frémissent de peur. Seul, Uncas garde son calme. Et quand ses bourreaux viennent le saisir pour le brûler, il les affronte avec fermeté. L'un d'eux le conduit au poteau, lui arrache sa chemise et s'arrête brusquement, les yeux écarquillés de stupeur. Une tortue d'un bleu vif est tatouée sur la poitrine d'Uncas. Aussitôt, tous les hommes de la tribu encerclent le jeune Mohican, le regard rempli de respect. Tamenund s'avance alors vers lui et lui demande « Qui es-tu donc ?» Avec l'attitude d'un roi, le dernier des Mohicans lance d'une voix sonore « Uncas, le fils de Chingachgook. Ma race soutient la terre. C'est la mère des nations. » Reconnaissant l'enfant de ses frères avec qui il avait combattu de nombreux ennemis, le vieux sage déclare fièrement « L'heure de Tamenund est enfin venue. Je peux maintenant disparaître dans la nuit. Uncas est là et il me remplacera. » Toute la petite troupe est alors libérée, mais Magua, toujours animé par sa soif de vengeance, réussit à kidnapper Cora, puis retourne dans sa tribu chercher du renfort. Chez les Delawares, on se prépare à la guerre. Escortant Uncas, une centaine de guerriers s'arment minutieusement de longs couteaux et de fusils. Alors qu'ils sont en chemin pour attaquer les Hurons, nos amis retrouvent les derniers de la troupe, c'est-à-dire David, Chingachgook et le général Monroe. À plusieurs reprises, les voyageurs rencontrent les Hurons, tantôt cachés dans des buissons, tantôt retranchés dans des clairières. Mais à chaque fois, le chasseur et le jeune Mohican se jettent sur leurs ennemis avec une force et une violence incroyables. Et Ward et le général Monroe ajustent également si bien leurs fusils que bientôt, le sol est jonché de cadavres. Seul, Magua et deux de ses guerriers échappent à leur coup. Soudain, le chasseur et Uncas s'aperçoivent une robe blanche flotter à l'extrémité d'un passage qui semble conduire à la montagne. Et Ward s'écrie aussitôt « C'est Cora !» Alors, Uncas jette son fusil pour aller plus vite et bondit comme un cerf. À ses côtés, Œil de Faucon s'exclame. Uncas, attention! Deux guerriers tiennent la jeune fille de façon à faire un bouclier de son corps. Redoublons de prudence! Malgré un chemin en pente raide et parsemé d'embûches, la petite troupe réussit à gravir la montagne. En entendant Cora se débattre, Uncas brandit son tomahawk et hurle à Magua. Arrête-toi, chien huron! À ces mots, Magua saisit son couteau et lance à sa prisonnière. Femme, choisis, le wigwam ou mon couteau. Devant le silence de la jeune femme, Magua lève alors son couteau, lorsqu'il entend un cri perçant au-dessus de sa tête. Uncas, plus rapide que le vent, bondit d'une hauteur effarante sur le rebord du rocher. Hélas, voyant son chef reculer d'un pas, un des guerriers Hurons plonge violemment son couteau dans la poitrine de Cora. Fou de rage et de douleur, Uncas se jette sur le meurtrier et le tue. Mais alors que le jeune Mohican se relève, Magua lui enfonce à trois reprises son couteau dans la poitrine. Avec un sourire sarcastique, l'Indien sanguinaire s'élance sur la montagne et s'apprête à se hisser sur un rocher. Alors, avec une extrême précision, Œil de Faucon lève lentement son fusil et tire. Soudain, les bras du Huron se détendent, puis bravant le chasseur d'un dernier regard cruel, il tombe la tête la première au fond du précipice. Au lever du soleil, il n'y a plus un seul Huron en vie. Et pourtant, aucun cri de victoire ne s'échappe dans l'air. Dans le plus grand silence, les corps de Cora et Uncas sont alors emmenés dans la tribu de Lawar. Les femmes de la tribu enveloppent la jeune fille brune dans des étoffes indiennes, tandis que les hommes ornent le jeune Mohican d'une profusion de plumes et de colliers. Surmontant difficilement leur chagrin et leur douleur, les Anglais enfourchent silencieusement leurs chevaux, puis saluent le peuple de Lawar avant de partir. Chingachgook lève le bras et murmure d'une voix emplie d'émotion. « Mon fils était bon. Il était dévoué et brave. Moi, je ne suis qu'un pin desséché. Ma race a disparu des rivages du lac Salé et des collines des Delawares. Maintenant, je suis seul. » Soudain, la forte voix d'Œil de Faucon résonne dans tout le camp. « Non, Chingachgook, vous n'êtes pas seul. Comme vous maintenant, je n'ai point de famille, ni de peuple. Dieu nous a donné des couleurs différentes, mais il nous a destinés à voyager sur la même route. » Très ému, le chasseur tend alors sa main vers Chingachgook. Puis, dans un même geste, les deux hommes touchent la terre fraîchement remuée où repose Uncas et y répandent des larmes brûlantes.